Kim Yong-nam, président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, est arrivé le 3 à Téhéran pour participer à la cérémonie de la prise de fonction du président iranien sur l'invitation du gouvernement iranien. Il a été accompagné de la République populaire démocratique de Corée, est arrivé le 3 à Téhéran pour participer à la cérémonie de la prise de fonction du président iranien sur l'invitation du gouvernement iranien. Il a été accompagné du vice-ministre des Affaires étrangères Choi Chol et d'autres personnes. À l'aéroport, étaient arborés les drapeaux coréens et iraniens et a été alignée la garde d'honneur des forces de terre, de mer et de l'air. La délégation coréenne a été accueillie par le vice-ministre des Affaires étrangères Ibrahim Laimpourou, le directeur général du protocole du cabinet présidentiel Mohamed Sodeq Abdullahi, l'ambassadeur en Corée Seyed Mohsen Imadi, des personnalités du cabinet présidentiel, du Parlement, du ministère des Affaires étrangères, ainsi que l'ambassadeur coréen en Iran Kang Sam-hyun et ses collaborateurs. Kim Yong-nam a reçu le rapport d'accueil du chef de la garde d'honneur avant de passer en revue.